En 3-2 Cholo, écoute. Eh, eh. En bas tout le monde porte sa croix. Dans le secteur c'est pas la joie. Si t'es pas le prédateur, c'est que t'es dans la peau de la proie. Putain de colère, dur de calmer la bestiole. Peur de faire connaître l'enfer aux personnes que j'affectionne moi. Y'a qu'à ma mère à qui je me vois demander pardon. Je voulais mettre en lumière des qualités avant les pardons. J'étais un petit qui n'avait pas la frousse de vivre. À l'époque un tas de billets ne valait pas ma trousse de billes moi. Je fais de mon mieux mais c'est comme si le monde me narque. Dur d'admettre qu'on est juste de simples feuilles qui tombent de l'arbre. Malgré les apparences solides, on est de la porcelaine. Robuste et courageux, il faudra bien trouver la force de l'être. J'ai de la maîtrise à force de cultiver de la matière grise. Faut que je m'en sorte, j'en ai ma claque de rendre la matière triste. Je fais du rap en guise de défoulement. Car j'ai nulle part où m'échapper, je suis le rescapé de mes tourments. Y'a de l'espoir quand tu crois que la vie t'en laisse dénuée. Je pose ma voix hors de question pour moi de rester muet. Exténué, j'avancerai même avec le beat noué. En solitaire, j'ai pas trouvé grand monde à qui me vouer. C'est pas plus mal, vaut mieux apprendre à devoir compter que sur soi. Pour apprécier le peu d'amour et d'amitié que tu reçois. Ici les petits rêvent de pouvoir gagner du cash et se tailler. Certains finissent à vendre du crack au fond de la cage d'escalier. J'impose mon place comme un tagueur qui tape un rideau de fer. Donc autant dire, nager une brasse au cœur d'un ruisseau de mer. Y'a des douleurs que j'emporterai partout autour du globe. Mon meilleur pote a terminé sa route au bout d'une corde. Cette histoire n'a pas d'issue merveilleuse. Pour comprendre un aveugle, il suffit pas que tu fermes les yeux, non. Ça met une claque comme un obèse qui fait un plat dans l'eau. J'ai rien teasé mais j'ai du mal à faire un pas devant l'eau. Laisse-moi Perrin, je suis la pull débarque pour rock à le mic. J'débarque et les wacks repartent dans mon walk à la mic. Les gremlins prennent du bon temps le soir, la weed pure dans le ciel. Pareil si ça fait longtemps que les étoiles ne brillent plus dans le ciel. Une taf, je respire, je m'arrêterai si j'ai le bis rentable. Scry, la cible, avec l'agressivité t'es un tigre en cache. Par ceux qui dansent le soir, je fais partie des sales crapules. Pas les rien de ce que tu penses de moi. Car ma vie n'est qu'à ta drature. Dis-moi comment sourire avec tant de stress. J'perds mon temps, à force de lui courir après sans cesse. Les démons tirent vers le bas, pochon rempli d'herbe grasse. Des tonnes de soucis, ils me pètent le crâne vert. T'étonnes pas si je reste quoi. J'sais pas pourquoi j'dévisage ce gars peu stable. Moi ta peine dans le bar en rêvant de paysage de carte postale. J'mets les gaz, faudrait pas que l'hémorragie me prend la pompe. Pas le temps de laisser traîner les bails, j'ferai en sorte d'agir violemment. Wesh mon gars, tu croyais quoi? J'te freine comme les prix d'Aïda. Bouge de la balle pas avec WAM si t'as le zen rempli de baïda. Même les plus bêtes russes parmi les chiens de sale gosse. Sans le savoir on joue à la roulette russe, barillé plein de bastos. Pas d'avenir sur mauvais chemin, sans de froid, c'est les watts ça dans le crâne. Si t'enfreins les règles du jeu, viens de dire croiser les watts avant le drame. Signé c'est la road cassure. Comme les 100 grammes d'herbatisme, mon pur âme survit sous la lumière jaune des lampadaires. Dis-moi comment sourire avec tant de stress. Faut que je m'en sorte, j'en ai ma claque de rendre la matière triste. Je fais de mon mieux, mais c'est comme si le monde me narque. Ici on fait de la bombe, alors écoute et regarde me faire. Dis-moi comment sourire avec tant de stress. Faut que je m'en sorte, j'en ai ma claque de rendre la matière triste. Je fais de mon mieux, mais c'est comme si le monde me narque. Ici on fait de la bombe, alors écoute et regarde me faire.